Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guimauzo 107 FM. Nous sommes le mardi 8 juin 2021, il est un peu plus de 14h, il est 14h01 même, c'est Chris, vous êtes dans Fréquence Libre et pour cette nouvelle édition, je reçois par téléphone, toujours dans le cadre du partenariat qui existe entre Radio Guimauzo et l'agence d'artistes Le Bureau de Lilith, Claire Gimat, qui est là pour nous parler de sa carrière de chanteuse, de musicienne et de son premier album intitulé Sorcière, album sorti le vendredi 9 avril dernier. Ça fera donc deux mois tout pile demain. Donc bonjour Claire. Bonjour. Comment ça va? Mais ça va plutôt bien, contente d'être là. Parfait, contente de vous recevoir. J'ai bien prononcé votre nom de famille, c'est bien Gimat? Oui, c'est bien ça. Ok, parfait. Donc nos auditeurs et nos auditrices sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter, on va dire, en quelques mots? Ah oui, oui. Mais donc oui, je suis Claire Gimat, autrice, compositrice, interprète, et j'écris des chansons, donc de la chanson française, et ce sont plutôt des histoires, comme des courts-métrages, des rêveries. D'accord. Donc déjà, avant d'aller plus loin, je tenais à remercier et à saluer, comme d'habitude désormais, Géraldine de Le Bureau de Lilith, la structure d'accompagnement et de promotion de projets émergents de musique actuelle, car c'est justement Géraldine qui nous a mis en contact. Donc merci Géraldine, car sinon l'émission n'aurait pas pu avoir lieu. Donc, oui, merci beaucoup Géraldine, elle fait un travail super. C'est vrai. Donc avant de parler de votre carrière et de votre tout premier album à proprement dit, quel a été votre parcours personnel? Avez-vous fait, on va dire, des études musicales ou est-ce que vous ne vous êtes dirigé vers la musique que plus tard? Oui, j'ai fait des études de musique assez tôt, de suite après le bac. J'écrivais déjà à ce moment-là des chansons et j'avais envie de faire ça professionnellement, peut-être sans savoir trop ce que ça donnerait. Mais du coup, j'ai fait une année de musicologie jazz en sortant du bac. Et ensuite, je suis allée dans une école plus de musique actuelle, jazz musique actuelle à Toulouse. D'accord. Voilà. Et j'ai fait aussi des études de théâtre à côté d'espagnol, en parallèle. D'accord. Ah oui, ça fait quand même un sacré parcours. Oui, je pense que j'avais envie d'approfondir un peu plusieurs domaines qui me plaisaient, en espérant trouver ce que j'allais faire après. Mais j'ai vraiment choisi de faire des études qui correspondaient à ce qui m'attirait, ce qui me nourrissait. Et donc c'est la musique qui a primé, et puis le théâtre aussi. D'accord. Ah oui, donc vous faites quand même du théâtre à côté, toujours en ce moment? Pas vraiment. Après, j'ai pas mal de pluridisciplinaire, du coup. Donc j'ai écrit de la musique pour du théâtre. Là, je travaille avec une compagnie, la compagnie Nanaki à Toulouse, qui travaille sur des formes aussi pluridisciplinaires où on recrée des sortes de fêtes populaires, pour la fête des morts, par exemple, où voilà, c'est en train de se créer ce projet. Et donc, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais c'est pas non plus le centre, je suis pas comédienne au quotidien. D'accord, oui, donc voilà. C'est vraiment la chanson qui prend le pas sur tout. Oui, c'est ça aujourd'hui, c'est ça. D'accord. Comment décririez-vous votre style de musique? Du coup, c'est d'abord de la chanson française, puisque j'écris des textes en français et que les textes ont une importance dans ce que j'écris. Cette idée de raconter des histoires, et je raconte aussi ces histoires avec la musique qui fait vraiment corps avec le texte, et donc qui va parfois être contemplative, parfois proche de la transe, comme à bout de souffle, et j'essaye de faire naître les sensations qui sont dans le texte aussi dans la musique. Donc ça va être une musique assez cinématographique au final, qui raconte aussi quelque chose en elle-même. Et moi, je suis pas mal influencée par la musique espagnole. Je chante du flamenco, de la musique espagnole à côté, donc avec des inflexions méditerranéennes, comme ça, je pense qu'ils se ressemblent dans ce que j'écris. Donc ça se sent aussi dans ma manière d'écrire, dans les mélodies. Et après, il y a des sonorités plus de musique actuelle avec des sonorités électroniques qui vont venir nourrir les ambiances, qui vont être plus pour des textures pour l'atmosphère. Voilà. D'accord. Donc, comme je l'ai dit en introduction, cet album Sorcière, c'est votre tout premier album. Mais est-ce que vous avez déjà, on va dire, d'autres projets avant, donc un EP ou autre, ou pas du tout? Oui, alors moi, j'ai commencé en solo au départ, piano-voix. Et puis, ça, c'était en 2011. En fait, j'ai été lauréate d'un concours, le concours Nougaro, pour d'écriture. Et du coup, suite à ça, ce solo. Et après, j'ai eu envie de pouvoir jouer avec d'autres musiciens et d'élargir, d'avoir vraiment un univers musical qui était aussi riche finalement que les imaginaires que j'avais envie de porter. Et donc j'ai joué en quartet avec un musicien, plus de jazz, un trompettiste, un batteur et un pianiste tromboniste. Et ensuite donc là on a sorti un EP, mais j'avais jamais distribué. Là c'est le premier enregistrement qui est distribué et qui est plus officiel, disons. C'était des CD que je vendais à la sortie des concerts et que j'utilisais pour des marchés, etc. Et ensuite je suis revenue au solo avec l'envie de vraiment être autonome, indépendante avec la musique et d'aller au bout de marche. Donc j'ai appris la MAO, en fait la musique assistée par ordinateur. Et j'ai commencé à faire mes arrangements vraiment moi-même, de bout en bout, et à justement explorer ces sonorités plus surnaturelles avec des textures sonores, avec des sons qui étaient plus acoustiques mais électroniques. D'accord. Donc déjà, avant d'entrer encore plus dans le vif du sujet, parlons un petit peu du titre de votre album, donc Sorcière, que vous écrivez avec un S, sorti le vendredi 9 avril dernier, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Voilà, donc ça, comme je le disais en introduction, ça fera deux mois demain. D'ailleurs, expliquez-nous un petit peu ce titre. Que vouliez-vous faire comprendre à travers ce titre, donc Sorcière au pluriel, du coup ? Alors, en fait, donc dans mon album, je mets en scène beaucoup de femmes qui ont un espèce de bouillonnement intérieur comme ça, qui se sentent un peu à l'étroit ou en décalage avec le monde dans lequel elles évoluent. Et il y a comme quelque chose en elles qui a envie d'exploser, de s'exprimer. Et donc, les sorcières, c'est des figures émancipatrices et... Bon, en ce moment, disons qu'il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent à cette figure-là, puisque c'est des femmes qui ont été qui sont sorties un peu des chantiers battus et qui ont été persécutées, victimes de violences à cause de justement leur comportement ou leur savoir qui était jugé inapproprié, on va dire. Et donc voilà, moi j'ai grandi aussi avec les histoires, les contes, où les seules femmes finalement qui sont pas en attente de leur prince charmant ou qui sont pas en train de se crêper le chignon avec la belle-mère ou je ne sais quoi, ben c'est les sorcières. Et en fait elles sont représentées comme vieilles, moches, avec des verrues. Donc il y a cette idée-là d'oser en fait chercher un peu sa propre dynamique, ses propres rêves, quoi, ses propres envies dans la vie, de chercher son chemin à soi. Et du coup, ces femmes-là, en fait, sont inspirantes. J'ai choisi ce titre-là, puisque dans mes chansons, il y a beaucoup de femmes... Ben, qui se lancent dans des quêtes un peu perdues d'avance, ou disons, en tout cas, où c'est plus le geste qui compte de se jeter comme ça, de se jeter à l'eau. Et d'ailleurs, la pochette, c'est un plongeon. Et du coup, c'est aussi cette idée-là, en fait, d'oser et de se lancer dans les choses. Voilà. D'accord. Donc, comme nous le disions en début d'émission, vous êtes chanteuse, vous avez fait des études de musique, mais est-ce que c'est grâce justement à ces études que vous avez eu cette envie de devenir chanteuse, ou est-ce qu'on va dire cette envie de devenir chanteuse est présente depuis que vous êtes toute petite ? Alors, j'ai commencé le piano assez tôt, et au final, j'ai très vite j'écrivais aussi des textes et j'écrivais de la musique. Et très jeune aussi, en fait, j'écrivais des pièces de théâtre, évidemment, bon, à mon niveau, pour mes copains qui venaient, mes copines, etc. Mes parents sont comédiens, donc je pense que j'ai baigné un peu dans cet univers-là où on utilise l'art pour exprimer des choses qui restent un peu coincées. Donc c'était, pour moi, c'était surtout l'écriture, je crois, qui était là dès le début. Et j'avais cette envie-là d'écrire, de composer. Je pensais pas forcément aller sur scène, je pense, à cette époque-là. J'imaginais plus metteuse en scène ou réalisatrice quand j'étais enfant. Et d'après ce que disent mes parents, parce que j'ai pas un souvenir très clair, mais, et en fait, c'est après, en écrivant, au final, que j'ai chanté mes propres chansons, quand j'ai commencé à rassembler le texte. Et que j'ai commencé à chanter de plus en plus et que ça m'a plu énormément. Et au final, je suis montée sur scène avec mes chansons pour les porter au départ. Et puis, j'ai pris goût à ça et à la scène. Et donc, j'ai eu envie d'être chanteuse. Après, les études, ça m'a beaucoup nourrie, je pense, parce que j'ai eu de la chance d'être dans une école, la musicale à Toulouse, qui mêle beaucoup d'influences. On avait, on pouvait faire de la musique arabe à un moment, du jazz avec... puis d'autres, on avait de quoi s'aventurer, on pouvait amener nos compos, faire des arrangements, donc c'était très laboratoire en fait comme école. Et moi, ça m'a beaucoup nourri pour ce que je fais en ce moment, et ça m'a permis de me trouver en fait et de savoir ce que moi j'avais envie d'exprimer, avec quels outils, quelles influences. Donc ça a quand même beaucoup, ça a quand même beaucoup nourri, disons, ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Donc il est 14h11 déjà, donc avant d'approfondir le sujet, je vous propose de nous lancer tout de suite dans une toute première fréquence, comme j'aime à l'appeler, dans un premier extrait de votre album, et que nous écoutions le morceau intitulé « Sorcière », justement, c'est d'ailleurs le titre de l'album. Est-ce que nous avons le droit à un clip de cette chanson sur Internet ? Un quoi ? Un clip. Ah oui, non, pas encore, mais ce sera en automne. Il n'y a pas encore le clip de « Sorcière ». Pour l'instant, il y a Dali, Tuba des Cils et Les Pleureuses. D'accord. Donc c'est le morceau, il me semble, numéro 6 de votre album. Oui, c'est ça. Ok. Donc on écoute ce morceau, donc Sorcière, tiré de votre album, et on se retrouve juste après. Donc à tout de suite. À tout de suite. Je cherche la sorcière des sous-bois, celle qui enchante l'hiver. Prends-moi dans tes bras. Un mage et un roi m'ont ôté la voix des roses aux épines pour payer mon crime. Qui est dans ces chantées sans cesse à tutatir, paraît que c'est digne d'une diablesse. Mais réduite au silence, je ne suis qu'une ombre qui hante les voix. Qui rôde avec les chats noirs. Et ah ouais, et ah ouais, et ah ouais, et ah ouais. Je cherche la sorcière des sous-bois, celle qui enchante l'hiver. Prends-moi dans tes bras. Au fond des forêts, j'ai trouvé la sorcière bannie, condamnée, femme aux plantes amères. Elle guérissait les maux des hommes, des femmes, des animaux, juste avec des herbes broyées dans de l'eau. Interdite d'onguent, elle n'est qu'une ombre qui hante les bois, qui rôde avec les chats noirs. Sorcière m'a rendu la voix, maintenant comme hier, je chante à tout va. Et comme deux sœurs, nous courons sur les chemins dans les bois, sans en faire plus que ça. Entre leurs doigts nous glissons, et s'ils nous attrapent même sur le bûcher, nous chanterons. Et comme des sœurs nous courons sur les chemins dans les bois, sans s'en faire plus que ça. Entre leurs doigts nous glissons, et s'ils nous attrapent même sur le bûcher, nous chanterons. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo, vous êtes toujours en direct, il est 14h15, vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web, Radio Line et Orange Radio partout en France. Vous venez d'écouter mon invité du jour, Claire Gimat, avec son morceau Sorcière, tiré de son tout premier album intitulé Sorcière, justement. Vous nous écoutez peut-être chez vous, au travail ou encore sur la route, si c'est le cas, évidemment soyez prudents. Et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Claire Gimat, justement, qui est là justement pour nous parler de, entre autres, de cet album. Ça va toujours ? Oui, très bien. Parfait. Donc avant de reprendre cette émission, y a-t-il quelque chose en particulier que vous souhaitez, on va dire, raconter à travers ce morceau Sorcière ? Oui, je pense que dans ce morceau, justement, c'est une femme qui se sent qui a perdu sa voix, donc on lui a ôté sa voix et quelque part une puissance, quoi, une force d'expression, et elle va aller à la recherche de cette voix. Et donc c'est cette image de la sorcière dont j'ai parlé tout à l'heure qui peut venir inspirer et rassérénée peut-être pour réussir à continuer, quoi. Et donc elle va chercher sa sorcière, on ne sait pas trop si c'est une sorcière extérieure ou si c'est une sorcière intérieure. En tout cas, il y a cette idée aussi de se soutenir entre femmes dans les moments un peu difficiles. Aussi dans cette chanson, je pense, de sororité, qui est là aussi assez présente. D'accord. Donc on va reprendre le cours de cette émission. En faisant mes recherches en amont de cette émission, j'ai eu l'occasion de lire que vous racontez, à travers votre musique, quelque chose de différent qui tient à la fois de la fragilité intime et d'une universelle puissance. Donc en créant cet album, est-ce que c'était là un de vos objectifs ? Oui, je pense qu'il y a cette envie, dans mon temps, d'exprimer quelque chose de très intime et du coup d'avoir une expression... parfois très proche, en fait, avec des, il y a quelque chose d'assez spontané avec parfois des motifs, pardon, qui vont être assez simples sur certaines chansons et une voix qui est assez proche, je pense, de l'auditeur ou de l'auditrice. Et en même temps, il y a une envie de sentir une explosion, justement, intérieure et un besoin de se dépasser, d'aller au-delà de ses limites. Et donc, il y a une musique assez foisonnante, assez trépidante, rythmique à des moments. Voilà, avec cette sensation d'être à bout de souffle et de, un peu comme on l'a entendu dans cette chanson, avec des cris comme ça, un peu de bordes. Donc effectivement, il y a ces choses-là qui sont présentes, mais qui finalement sont assez reliées, je pense. D'accord. J'ai également eu l'occasion de lire que votre musique est un mélange de murmures envoûtants et d'explosions sonores appelant, comme vous disiez tout à l'heure, à la transe et à la déconnexion. Donc est-ce important pour vous de se déconnecter, on va dire, en écoutant de la musique ? Oui, je pense que c'est important de se déconnecter. Je pense qu'en fait, c'est surtout... Il y a plusieurs manières de décrire, surtout que de la chanson, en fait, il y a... des gens qui expriment des choses assez intimes, assez directes, qui vont parler de choses de la vie quotidienne, vraiment. Et moi, j'ai plus cette envie d'écrire des choses d'un ailleurs, en fait, et d'apporter des espèces de fenêtres comme ça qui ouvrent vers d'autres mondes, d'autres paysages. Et c'est ce que j'aime aussi voir, moi, quand je vais au théâtre ou quand je vais découvrir des œuvres, même dans des musées, je sais pas, j'aime bien qu'on m'appelle vers autre chose que ce que je vis dans mon quotidien. Et je trouve que c'est surtout des espaces qui permet de se projeter dans d'autres choses, d'inventer de nouvelles choses, de pouvoir justement se décaler un peu et regarder différemment notre vie pour pouvoir peut-être changer des choses et se positionner différemment après avoir vu la chose. Donc bon, je ne dis pas que je permets ça avec ma musique, mais j'ai cette envie-là, en tout cas, et moi, en tant que public, c'est quelque chose que j'aime et qui est important pour moi. D'accord. Et donc, vos chansons, comme vous l'avez dit également tout à l'heure, sont peuplées d'héroïnes fabuleuses tenant autant de la légende que d'une réalité contemporaine. Donc, pourquoi, on va dire, avoir fait ce choix de mêler la légende et la réalité ? Pour cette même raison, en fait, j'ai fait appel à des figures de femmes. En fait, je m'en suis même pas vraiment tellement rendu compte. J'écrivais, j'avais pris le parti quand même d'écrire avec des personnages féminins parce que au bout d'un moment, je m'étais rendu compte que j'étais une femme et qu'il m'arrivait d'écrire des choses avec des personnages masculins, mais finalement, c'était moi. Enfin, j'exprimais des choses de moi et je pense que c'était un réflexe d'écriture, comme on est beaucoup baigné dans des histoires où les héros sont des hommes. Donc j'ai pris le parti à un moment d'inverser ça et de vraiment m'identifier au personnage en comprenant qu'en fait ces personnages-là racontaient mes obsessions personnelles, évidemment, comme c'était moi qui écrivais. C'était finalement comme des espèces de facettes de moi-même, je pense, qui s'exprimaient et qui s'expriment dans cet album aussi. Donc voilà, il y avait cette idée-là. Je ne sais plus trop quelle était la question, mais... je demandais pourquoi avoir fait ce choix de mêler la légende et la réalité. Oui, du coup, il y a ce que je disais aussi dans la question, d'avant, et valable là, c'est que pour moi, en fait, les deux se nourrissent, et finalement, l'imaginaire, il naît aussi de la réalité, et la réalité naît de notre imaginaire, c'est-à-dire qu'on transforme la réalité en fonction de ce qu'on imagine, de nos rêves, de ce qu'on peut projeter, de ce qu'on peut rêver, Et le rêve, il ne vient que du réel. On ne peut pas imaginer des choses qui sont complètement déconnectées de notre vie. Donc pour moi, les deux sont intimement liés, en tout cas dans ma manière de penser les choses et d'écrire, du coup. D'accord. Ensuite, je voulais vous demander pourquoi avoir pris cette décision de peupler votre album de ces héroïnes fabuleuses, mais comme vous y avez un petit peu répondu juste avant, parce que vous, comme vous l'avez dit, vous êtes une femme qui écrit avec des héroïnes, donc avec des femmes, du coup des personnages féminins. Donc je suppose que c'est pour ça que vous avez décidé de peupler votre album de toutes ces héroïnes. Oui, c'est ça exactement, et je crois que pour moi ça faisait sens aussi à un moment où je me posais beaucoup de questions sur les rapports de domination, donc entre hommes et femmes évidemment, et puis les autres rapports de domination qui existent malheureusement dans notre société, etc. Mais donc ça venait questionner plein de choses pour moi, et c'était logique. Après, c'était un choix sans l'être aussi, c'est-à-dire que j'ai écrit des choses et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit que finalement, il y avait une cohérence là-dedans. Et comme je disais, cette chanson qui s'appelait Sorcière et que j'avais écrite, j'ai trouvé qu'elle résonnait bien avec cette idée de s'inspirer de plein de femmes. Et comme j'écrivais des histoires peuplées de plein de femmes différentes qui faisaient des choses différentes, plus ou moins sombres, parce qu'il y a des femmes qui sont dans cet album, qui vont se perdre, qui sont complètement comme la baronne par exemple, qui est un peu enfermée dans quelque chose où elle a beaucoup de pouvoir, et donc elle est en même temps très seule et se plaint de cette solitude, et en même temps on voit qu'elle jubile un peu de ce pouvoir qu'elle a et de ce danger, cette peur qu'elle peut procurer. Donc c'était cette idée d'avoir un espèce de comme de galerie de portraits, je sais pas si on peut dire ça, avec plein de femmes qui viennent nourrir notre imaginaire. D'accord. En préparant cette émission également, grâce notamment aux différents documents que Géraldine, justement, du bureau de Lilith m'a envoyé, donc le dossier de presse, tout ça, j'ai également, du coup, lu qu'on vous compare, au peintre René Magritte, Salvador Dali. D'ailleurs, dans cet album, un de vos titres s'appelle Dali, ou encore au chanteur et écrivain Boris Vian. Même si c'est dans un autre domaine, vous êtes-vous réellement inspiré de ces trois artistes mondialement, ou du moins nationalement connus? Oui, alors pas forcément, pas directement, mais c'est vrai que je suis très, comme je disais, j'aime beaucoup ce qui est hors du quotidien, ce qui s'échappe, ce qui vient d'un ailleurs, et du coup c'est typiquement ces écritures-là, le surréalisme qui met en place en fait des choses hors du quotidien et utilise une poésie aussi un peu du désordre, quoi, où on rassemble des éléments qui normalement ne sont pas censés être les uns avec les autres. Je ne sais pas, un lion, une femme avec une tête de fleur, justement, dont je parle dans Dali, ou ce piano, le piano de Boris Vian qui sert des cocktails, ou cette plante dans l'arrache-cœur qui pousse à l'intérieur de cette femme. Toutes ces images-là, c'est des images, oui, qui me portent énormément et qui me plaisent. Donc je me sens proche de ce courant-là. Après, j'ai pas forcément, à part pour la chanson Dali, effectivement, où là, du coup, j'ai utilisé plein de tableaux différents et d'images qui me plaisaient dans Dali, comme pour en faire, du coup, les évoquer dans une seule chanson et en y rajoutant mes propres images qui appartiennent pas forcément à ce tableau. Du coup, j'ai utilisé ça pour en faire une plongée dans un tableau où il y a une femme qui est un peu enfermée dans sa tour, comme ça, qui tourne en rond et qui choisit de finalement s'en aller dans ce tableau et qui vit plein de choses dans ce tableau, plein de sensations physiques, plein de choses qui appartiennent à la vie, quoi, intensément à la vie, et alors qu'elle est dans un tableau qu'on pourrait appeler justement hors de la vie, hors du réel. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir qu'en fait l'imaginaire, il est porteur de ces sensations de vie réelles, quoi, et du coup ça nous aide aussi peut-être à retrouver l'envie de vivre et l'envie d'avoir des sensations et l'envie de, voilà, dans la vie où on est peut-être un peu étriqué, on a peur, les choses sont plus compliquées, donc voilà. Surtout qu'il y a une certaine relation quelque part, parce que que ce soit dans la, vu que même si c'est deux domaines différents, donc la peinture et la chanson, chacun de ces domaines permet de raconter une histoire. Donc c'est peut-être aussi ça que vous aviez, peut-être même inconsciemment, ou je sais pas, que vous aviez en tête, le fait que vous racontiez une histoire, même pas en chanson. Oui, complètement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En fait, mes chansons, elles sont très visuelles. C'est-à-dire que j'ai vraiment tendance à décrire des décors, des images et aussi des sensations physiques que je mets en mots parce que c'est quelque chose que de suite j'ai envie de transmettre. Je sais pas, quand je ressens des choses, du coup, je vais les transformer en paysage comme ça ou en une forêt qui dévale une colline, je sais pas. Et c'est quelque chose, une sensation intérieure qui se transforme pour moi et que je vais exprimer de manière métaphorique. Donc, en fait, c'est un peu comme des tableaux vivants que je mets en scène dans mes chansons. Donc, il y a cette histoire très visuelle. Je parlais aussi de la dimension cinématographique. Ça rejoint aussi ça, effectivement. Parce que en préparant cette émission, j'ai eu la chance d'écouter du coup votre album en préparant cette émission. Et puis, c'est vrai que pour nos auditrices et nos auditeurs qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas ou qui n'auraient pas encore écouté vos chansons, c'est vrai qu'il y a on reconnaît une certaine description, même dans le titre qu'on écoutera un peu plus tard, Grain de nuit, quand vous parlez d'une jeune femme au manteau rouge, il me semble. Donc, c'est vraiment, en fait, ce que vous racontez, on arrive à le visualiser, je trouve, dans notre tête, et je trouve que c'est quelque chose de plutôt original, et c'est plutôt réussi, je dirais. Super. Voilà. Donc, génial. Il est 14h27. Avant de poursuivre à nouveau, je vous propose de nous lancer dans une nouvelle fréquence, dans un deuxième extrait de votre album Sorcière, et que nous écoutions cette fois le morceau numéro 3 de l'album, il me semble, morceau intitulé Tuba des cils, qui a d'ailleurs, comme on le disait tout à l'heure, le droit à son clip sur Internet. C'est bien le morceau numéro 3, je ne me suis pas trompé. Oui, c'est ça. Parfait. Donc, on écoute ce morceau et on se retrouve juste après, du coup, la chanson Tuba des cils de mon invité du jour, donc Claire Gimat. Donc, à tout de suite. À tout de suite. Un battement de cils qui fait filer le temps, les ombres qui défilent et défilent le printemps. Tuba des cils et je reste cloué. Tuba des cils, mes pensées sont brouillées et je reste immobile. Bientôt je prends racine, mais je m'en fiche car dedans ça remue, c'est vivant. Tuba des cils. Tuba des cils, il se jette cet inouï au pied de la falaise. Il se jette et se brise éperdument. Tuba des cils, et mon cœur se balance. Tuba des cils, se balance en cadence. Et mon corps en émoi qui frémit d'impatience. Du monde, je ne vois que des fantômes qui dansent. Tuba des cils, et les flammes crépitent. Tuba des cils, furieuses, elles envahissent. Se brise éperdument. D'immenses étendues de verdure et de sable, elles courent, elles hurlent, franchissent des Vous êtes de retour sur Radio Guémozo, vous êtes toujours en direct, il est 14h30, vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web, Radio Line ou Orange Radio partout en France. Vous venez d'écouter Claire Gimatte avec son morceau intitulé Tuba des cils et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Claire Gimatte justement qui est là pour nous parler entre autres de son tout premier album, album intitulé Sorcière au pluriel. Est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie Claire ? Oui, très bon, merci beaucoup. Parfait. Donc, même question que pour la première pause musicale, que pour le premier extrait de votre album. Qu'est-ce que vous souhaitez, on va dire, raconter au travers de cette chanson « Tuba des cils » Mais du coup, je parlais de cette envie de traduire des sensations physiques. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui se passe, puisque en fait, la chanson, elle parle du désir, du coup, du désir envers quelqu'un et de ce battement de cils qui, en fait, on dirait qu'en une fraction de seconde, déclenche plein d'émotions et de sensations intérieures très, très fortes. Et en même temps, cette sensation d'être engourdi, paralysé et la sensation que tout défile, que ça va super vite et qu'on contrôle plus rien et que ça tremble de partout. Et donc, j'avais envie de, je pense, de traduire ça en mots et en images. Et donc, c'est cette nature qui déferle comme ça. Voilà, c'est tout ça que je raconte dans cette chanson. Et justement, avant la pause musicale, nous parlions des descriptions que vous faites dans vos chansons. Et là, également, la chanson, du coup, Tuba des cils en est un très bon exemple, car vous parlez, par exemple, d'une étendue de verdure, par exemple, dans cette chanson, entre autres. Oui, c'est ça, de l'océan qui se déchaîne, il y a un incendie, il y a plein de choses qui se passent. Est-ce que, voilà, dans une fraction de seconde, quoi, il y a un battement de cils et tout, il y a un déchaînement. On le voit aussi dans le clip, du coup, qui a été réalisé par Ulysse Navarro, où il y a cet œil un peu surréaliste, justement. Et il y a toutes ces collines qui sont comme des corps qui bougent, cette envie de. Voilà, il y a en même temps ce côté charnel et qui est ramené à une espèce de puissance un peu de la nature, quoi, si on peut dire ça, des éléments naturels, des forêts, etc. Mmh. Là, voilà. Également, là, on revoit l'idée de tableau qu'on disait tout à l'heure avec, par exemple, le peintre Dali. Oui, complètement, d'ailleurs, c'est inspiré de ça. Il y a un tableau de Dali où il y a un œil comme ça qui flotte. Et là, c'est un peu le même principe avec un œil différent et des paysages différents, mais on retrouve cette idée-là, en fait, de l'œil qui domine un peu dans le ciel, comme ça. Parce que justement, j'ai regardé également, j'ai un petit peu regardé le clip en préparant cette émission de cette chanson, entre autres, et c'est vrai que le clip est assez beau, comme vous le dites, on voit un œil, mais c'est quand même c'est bien fait, je trouve, je sais pas comment vous l'avez fait, ou même si c'est vous qui l'avez réalisé, mais c'est vrai que c'est plutôt parlant et c'est plutôt réussi une nouvelle fois, je trouve, ce petit clip. Ah, mais merci. Oui, non, c'est pas moi. Du coup, c'est Ulysse Navarro qui a réalisé ce clip en 3D. J'aimerais bien savoir faire ça. Et il y a un autre clip qui a été réalisé. Donc, c'est le clip de Dali qui a été réalisé par un artiste surréaliste espagnol, Mira Ruido, aussi, qui est très beau et qui voilà, où il y a plein d'images. Il a mis en scène, c'est fait en collage. Et donc, il y a une femme comme ça qui sort de sa tour. C'est l'immersion dans le tableau dont on parlait tout à l'heure. Il sort de sa tour et qui voyage à travers plein de paysages. Il lui arrive plein de choses, etc. Et c'est très beau aussi. Donc, j'avais envie de faire un second clip qui résonne avec ce premier clip aussi. D'accord. OK. Nous en parlions avant cette pause musicale, justement. Comme on disait, vos chansons se jouent de nos certitudes pour nous plonger au cœur de tableaux surréalistes qui ont l'air justement d'être directement tirés de l'imaginaire de René Magritte, Salvador Dali ou encore Boris Vian. Est-ce que vous aviez comme une volonté, en créant cet album, de faire voyager, on va dire, l'auditrice ou l'auditeur au travers de vos titres, de lui titiller l'imaginaire ? Oui, complètement. C'est ça, ce que je disais tout à l'heure, que l'imaginaire, pour moi, c'est quelque chose qui vient nourrir et qui vient inspirer et qui fait énormément de bien et qui décale, donc voilà, qui donne un autre point de vue sur notre réel. Donc j'avais oui cette envie-là. Et puis après, c'est une envie et c'est aussi juste la manière dont j'écris. Et je crois que voilà, c'est nourri par tout ce que j'ai vécu. Bon, mes parents sont comédiens, donc j'ai été baignée aussi dans les histoires qu'ils pouvaient mettre en scène quand j'étais enfant. J'ai énormément lu de romans, etc. Donc quelque part, je crois que j'écris des chansons comme toutes ces histoires que j'ai lues et qui, au final, ont des formats peut-être plus longs. Et donc, les écritures plus nourrie avec plein de choses qui se passent. Et dans mes chansons, c'est vrai que c'est assez foisonnant. Il y a beaucoup d'images, beaucoup de choses visuelles. Et je pense que voilà, c'est dû à tout ça, à tout ce dans quoi j'ai été baignée et dans quoi je me baigne toujours aujourd'hui. D'accord. J'ai également eu l'occasion de voir que vos titres décalent notre réalité pour nous faire vivre de fantasques aventures, de mélancoliques errances nocturnes à la recherche d'autres versions de nous-mêmes. Donc le fait de décaler notre réalité, entre guillemets, était-ce là aussi un de vos objectifs ? Oui, complètement. Et cette idée de découvrir une nouvelle version de soi-même, c'est aussi... Je pense que c'était aussi cette idée de vouloir de se dépasser et oser regarder ce qui est peut-être... monstrueux ou ce qui correspond pas à ce qu'on attend de nous et regarder ces parties-là de nous-mêmes pour réussir à les transformer et en faire et peut-être à les vivre quoi, à les accepter et à en faire quelque chose dans nos vies parce que il y a ce besoin-là peut-être d'être bien vu de suivre un chemin qui parfois correspond pas forcément et c'est ça qui donne cette sensation d'étouffement, cette sensation d'être à l'étroit que moi, par exemple, j'ai pu ressentir et qui se ressent, du coup, je pense, dans beaucoup de mes chansons. D'accord. D'ailleurs, on va un petit peu s'écarter de cet album, mais pas trop, car je crois savoir que fin 2020, vous avez créé un nouveau concert en trio féminin à l'occasion, justement, de la sortie de votre album Sorcière. Oui, exactement. Et c'est un trio qui n'a pas pu jouer pour l'instant, donc je suis contente parce que là, avec la réouverture des salles, on va pouvoir jouer très bientôt, dès dimanche, mais bon, plutôt en région toulousaine pour l'instant. Donc on va jouer, si jamais, le 13 juin, donc dimanche à 17h30 au Café Plume à Lautrec, le 15 en suivant le mardi à 21h au Bijou à Toulouse, qui est une salle qui m'aide et qui me soutient depuis longtemps, donc je suis très contente aussi de jouer là. Et voilà, il va y avoir une sortie de résidence aussi au Centre culturel Bonnefoy le vendredi. Et là, on va faire pour la première fois, on va travailler avec des décors qui sont faits par une décoratrice qui s'appelle Louise Vandermark et qui a fait quelque chose de super avec la création lumière, etc. Donc c'est un trio avec une violoncelliste et une batteuse, Elodie Poirier et Céline Biolzi, et qui chantent toutes les deux. Et j'avais envie, du coup, dans cette idée-là de... vu que j'invoque un peu des femmes dans cet album, j'avais envie aussi d'en avoir auprès de moi sur scène et qui chantent pour qu'il y ait une espèce de cri du cœur comme ça ou de quelque chose d'un peu puissant comme ça, un peu brut qui se dégage de la scène. Donc on est trois femmes et avec ces trois instruments, il y a le violoncelle qui est peut-être plus aérien, plus lyrique et la batterie qui ramène un côté assez terrestre comme ça et j'avais envie de mêler ces dynamiques-là, et moi je reste quand même du coup au clavier, au piano, et aussi avec des machines pour habiller avec ce côté surnaturel, ces nappes dont je parlais tout à l'heure, les atmosphères plus électroniques. D'accord. Donc justement, ce trio féminin que vous allez créer, est-ce que du coup vous trois ensemble, vous chanterez vos chansons à vous ? Oui, c'est les chansons de l'album. D'accord. Et du coup, c'est quand même moi qui suis en lead, c'est-à-dire que je chante et elles font des chœurs, pas sur tous les morceaux, mais sur l'album, c'est vrai que j'ai enregistré énormément de chœurs, comme vous avez pu l'entendre, mais c'est moi qui faisais mes propres chœurs. Et sur scène, j'avais envie que ces chœurs soient présents et puissent être chantés par des femmes. Moi, sur mon solo, du coup, dans lequel je chante aussi mes chansons, les chansons de l'album, et que je vais continuer à jouer, là, je suis aux machines et au clavier, et du coup, c'est ma propre voix aussi qui est sur scène et qui se rajoute et qui fait des chœurs, mais là j'avais cette envie là de travailler avec d'autres femmes aussi. D'accord, donc justement en parlant de chœurs, vous me tendez la perche car ma question suivante était, en préparant cette émission, donc du coup comme je le disais, j'ai eu la chance d'écouter votre album, vous nous l'avez même, il me semble, envoyé à l'adresse de la radio. Je crois oui, certainement, oui, ça a dû arriver à l'adresse de la radio, oui, c'est possible, c'est Géraldine, je pense, qui a dû envoyer, oui. Donc voilà, il est dans nos CD, je le vois là, juste là, pas loin. Donc justement, je me suis aperçu que dans plusieurs de vos titres, et comme nous l'avons entendu dans ce titre, Tuba des cils, d'ailleurs, nous entendons justement plusieurs voix. Donc j'allais vous demander si c'était votre voix ou est-ce que les deux autres voix étaient celles de vos deux comparses de ce trio? Mais vous avez déjà répondu, c'est vous-même qui faisiez vos propres chœurs. Oui, bah c'est au moment de l'album, je travaillais pas encore avec avec Céline et Elodie. Du coup, c'est moi qui ai enregistré mes propres chœurs. Ça faisait sens aussi, comme je disais tout à l'heure, ces femmes-là, c'était comme des facettes de moi-même. Je trouvais ça aussi intéressant que ce soit mes voix et en plus sur l'album, j'ai une manière de chanter, comme je disais, avec des espèces d'inflexions, des ornementations qui sont un peu voilà assez précises au final. Et du coup, en fait, quand on les superpose, c'est vrai que sur l'album, j'ai réussi à superposer plein de voix. Et quand voilà, c'est pas forcément évident quand on n'a pas la même manière de chanter, de rendre ce côté très, je pense, de fusion entre les voix qu'il y a sur l'album, du fait que c'est moi qui me dédouble. D'accord. Oui, c'est original de se dédoubler. Pardon ? C'est original de se dédoubler. Oui, c'est pas mal, j'aime bien ça. C'est un peu ça aussi que je raconte dans l'album. C'est la métamorphose, quoi. Donc, justement, sur cet album, il me semble que vous avez également travaillé avec un certain Arthur Guyard. Oui, en effet. Du coup, j'avais cette envie-là de travailler avec une personne sur les prods principalement. En fait, du coup, comme je disais, j'avais commencé à faire de la musique assistée par ordinateur, donc j'ai créé ce concert en live, en solo, et j'avais fait des pré-productions, donc des sortes de maquettes de l'album où j'avais écrit des parties avec des sons, etc. Mais j'avais envie d'avoir une autre touche sur ces sons-là et quelque chose de plus professionnel aussi, parce que moi c'est pas ma spécialité, et d'avoir un coup de main sur les arrangements. Donc j'ai contacté Arthur et qui a fait un super boulot. Donc il a rejoué lui-même énormément de parties, vu qu'il est multi-instrumentiste. Donc il a joué basse, guitare, des claviers, qu'est-ce qu'il a fait, oui, toutes les productions, du piano, bon voilà, et donc il a retravaillé les sons et il a apporté vraiment sa touche à lui sur l'album. Donc lui, il a été très important dans ce processus de création de l'album. Et ensuite il y a aussi donc Louis Navarro qui joue à la contrebasse et qui est un très vieil ami. Donc j'étais ravie qu'il puisse jouer sur cet album, et c'est un magnifique contrebassiste vraiment. Et il joue en particulier sur Les Pleureuses à l'Archer. Voilà, il a un jeu qui est magnifique, voilà, qui est souvent pris pour du violoncelle. Ça a été le cas dans Télérama, tellement il joue très juste et il monte dans les aigus. C'est très impressionnant pour un jeu de contrebassiste. Et c'est très beau. C'est vrai. Justement, il est 14h43. Avant d'aller plus loin à nouveau, je vous propose une nouvelle fois de nous lancer dans un nouvel extrait de votre album, histoire de reprendre notre souffle et de nous hydrater, pourquoi pas, et que nous écoutions cette fois le morceau numéro 10 de cet album. C'est d'ailleurs le dernier morceau de l'album, et il est intitulé Grain de nuit. Donc, on écoute ce titre et on se retrouve juste après pour l'explication de ce titre et pour la suite et la fin de cette émission. Donc, à tout de suite, juste après Grain de nuit. À tout de suite. Joli brin de fille au gilet rouge sombre, sur une robe brune, dans une rue obscure, nébuleuse inconnue, au regard noir farouche, un joli grain de nuit sur la ville. Joli brin de fille aux lèvres rouges sombres, flambant dans une rue étroite, dans la nuit silence, le sourire du ciel s'étire malicieux blanc sur la ville. Claire Gimat avec son morceau Grain de nuit sur Radio Guémozo. Vous êtes de retour et vous nous écoutez toujours sur le 107 FM localement ou sur nos applications mobiles et web Radio Line et Orange Radio partout en France. Nous sommes bien sûr toujours en direct, il est 14h49 et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Claire Gimat justement, qui est là pour nous parler de son premier album sorti le vendredi 9 avril dernier. Ça fera donc 2 mois demain, album intitulé Sorcière. Tout est toujours bon pour vous ? Oui. Parfait. C'est bon. Donc justement, pendant cette pause musicale, j'en ai profité pour aller récupérer le CD que j'ai désormais sous les yeux. Donc, comme on disait tout à l'heure, cet album comporte 10 titres. 10 titres. Oui, c'est ça. Il y a Dali, L'Orme, Tuba Décile, Les Pleureuses, L'Aviatrice, Sorcière que nous avons écouté tout à l'heure, La Baronne, Marine, Dans le Noir et Grain de Nuit que nous venons d'écouter à l'instant. Et donc justement, comme vous parliez tout à l'heure de la jaquette, on vous voit faire un plongeon dans un sorte de d'œil d'eau, je ne sais pas trop comment expliquer ça, au centre d'une petite île. Oui, c'est ça, c'est un espèce de... C'est comme un trou noir au centre d'une île, et pour moi c'est un peu le passage vers le monde imaginaire de l'album. Donc il y a un plongeon dans ce trou. Et en fait, de l'autre côté de l'album, si on retourne la pochette, on voit comme l'intérieur du trou. On est comme à l'intérieur d'une espèce de grotte avec les rayons du soleil qui passent. Et il y a un espèce de monde miniature comme ça. Et à l'intérieur de l'album, en fait, il y a une version qui est une pochette 45 tours. Et dans laquelle il y a des cartes, et il y a une carte par album avec un par chanson, avec un visuel par chanson. D'accord. Et quand on les met côte à côte, ça fait comme un espèce de, ça fait un puzzle en fait, avec une affiche. Et pour moi, du coup, ce monde-là, c'est le monde intérieur de l'album après qu'on est plongé dans ce trou. D'accord. D'ailleurs, je n'ai pas posé ma question phare. Donc, même question que pour, on va la poser tout de suite, en vaut mieux tard que jamais. Même question que pour les deux précédentes pauses musicales. Vous êtes habitué désormais. Quel est le message que vous souhaitez faire passer à travers ce titre, Grain de Nuit? Pour moi, c'est comme un espèce de petit cadeau de fin d'album. Et c'est une rêverie et c'est une invitation à la recherche de poésie dans le quotidien, je pense. C'est cette femme qui passe sous les fenêtres et. Et en fait, il y a en même temps quelque chose de très d'un peu sombre, puisque en fait, la silhouette qui regarde cette femme, qui est une autre femme dans mon imaginaire, en fait, finalement, saute par la fenêtre et elle flotte au-dessus des toits comme ça. Donc on ne sait pas très bien si finalement c'est la mort, si c'est le voyage et qu'elle suit cette femme au coin de la ruelle, parce qu'en fait, on la perd du regard et on essaye de la suivre. Voilà, c'est un peu cet appel à la rêverie du quotidien et voilà, dans la nuit comme ça. D'accord. Et donc, justement, comme vous le disiez en début d'émission, dans vos titres, vous mettez souvent en scène des personnages féminins, donc des héroïnes. Donc, est-ce qu'il y a quelque part, à travers vos titres, ou même à travers ces représentations que vous faites de vos personnages, une certaine part de féminisme ? Oui, complètement. Oui, je suis féministe, moi, c'est-à-dire que ces questions-là me hantent un peu, m'obsèdent, je réfléchis pas mal à ma place, à la place de, comment se situer dans tout ça, comment agir, comment se libérer de certaines choses dans lesquelles j'ai été éduquée et qui, du coup, m'entravent et dans lesquelles je peux me sentir à l'étroit, justement, comme je disais, et d'essayer de trouver, moi, ce que j'ai envie de faire et pourquoi, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire ou est-ce que c'est on me dit de faire ou ce que je pense qu'il faut faire. Donc c'est toutes ces questions-là que je me pose et en fait dans cette et je pense qu'ils ressortent après moi quand j'écris je veux pas écrire des chansons féministes, je me dis pas je vais écrire une chanson féministe, j'écris une chanson sur une femme mais avec des questionnements intérieurs, et après c'est vrai que c'est quand même présent en moi, cette question politique est là et donc ça se ressent. Et quand même, la figure de la sorcière est une figure donc, qui est beaucoup utilisée par les féministes aujourd'hui. Il y a le livre de Mona Chollet, il y avait bien avant donc Starock. Il y a plein de questions qui sont posées autour de cette figure-là. Donc je fais appel évidemment à ça comme quelque chose qui peut nous aider quelque part à justement se poser peut-être des questions qui sont plus proches de nous et moins proches du regard et de ce qu'on voudrait montrer, avec la peur peut-être d'être marginalisée, etc. Donc oui, le féminisme est quand même présent dans cet album. Après, j'ai pas une écriture didactique, c'est-à-dire que j'aime pas trop écrire des choses comme il faut faire ci, il faut faire ça, ou des choses plus ancrées dans quelque chose de plus directement militant, ou dans un objectif de convaincre avec des idées déjà formulées. Je pense que c'est présent et ça a infusé en moi, donc c'est partout. Mais j'ai pas cette volonté-là à travers ce média. Je pense que si j'avais envie de faire ça, ça passerait plus par d'autres choses, une écriture d'un article ou voilà. Là, pour moi, c'est présent et ça me nourrit et j'ai envie évidemment que ça puisse nourrir les autres et que ça puisse se faire se poser des questions. Mais voilà, je suis pas dans une attitude de prêcher quelque chose, quoi. Voilà. D'accord. Donc quand je reçois des chanteurs, chanteuses et des musiciens, musiciennes, j'aime beaucoup poser cette question et nos auditrices et nos auditeurs sont habitués. Combien de temps cela vous a-t-il pris pour créer cet album, on va dire de A à Z, de l'écriture des textes à la commercialisation? Alors là, c'est compliqué de dire ça parce que déjà, moi j'ai eu des problèmes de retard avec le Covid, oui. De retard, de report de sortie. Mais en plus, j'ai des textes qui sont assez anciens et dans cet album, en fait, vu que c'est mon premier, j'ai des textes qui sont récents et d'autres qui sont vraiment assez anciens. Donc, je pense qu'on ne peut pas vraiment compter dans le processus de création, mais c'est des choses qui sont passées entre-temps, et en fait, je trouvais qu'ils résonnaient avec ce que j'avais envie de porter dans cet album. Et donc, c'est des textes qui sont, et des musiques qui sont retrouvées ensemble et que j'ai réarrangées, disons, ensemble pour cet album et avec Arthur. Donc, voilà, après, je pense qu'on peut compter quand même 2 ans, bien 2 ans, pour réussir à, justement, créer ces arrangements-là, les enregistrer, et après il y a évidemment tout ce qui est la promotion de l'album et que, qui en fait prend énormément de temps, et de rechercher tous les bons partenaires, ne serait-ce que trouver Arthur, ça a été un peu long, j'ai aussi demandé à d'autres gens avant, fait des tests, voilà, trouver les bons musiciens, trouver ce qu'on a vraiment envie de faire, musicien et musicienne, trouver ce qu'on a vraiment envie de faire. Donc oui, c'est ça, c'est à peu près 2 ans, je dirais. D'accord, ok. Une nouvelle fois, je pose toujours cette même question car elle me paraît nécessaire et intéressante, surtout encore plus avec votre album. Avec la crise sanitaire que nous connaissons toutes et tous, n'est-ce pas trop compliqué pour vous afin de vous faire connaître, surtout en sachant que votre album est sorti il y a à peine 2 mois? Donc peut-être avez-vous en quelque sorte réussi à passer entre les gouttes, entre guillemets, ou pas du tout? Oui, je crois que j'ai eu quand même de la chance. Après, ça a été très dur pour moi parce que c'était la première fois que je sortais un album, que je l'ai dit, et comme je suis en autoproduction, ça m'a demandé énormément de travail, et j'avais fait un rétro-planning assez serré, assez complet, avec donc j'avais une sortie d'album, une tournée avec une date à Paris, j'avais essayé de faire les choses bien, donc il y a Géraldine qui travaille avec moi comme attachée de presse, j'avais essayé de remplir un peu tout ce qu'il fallait pour avoir le nombre de dates qu'il fallait pour sortir vraiment toutes les choses un peu dans les règles en fait, qui sont un peu induites quand on sort un album pour obtenir une visibilité et que l'album ait une résonance effectivement, et puisse être écouté par plein de gens, puisse être écouté par des pros qui après nous programment et font qu'on joue, et que ça a vraiment un impact quoi sur la suite de l'aventure du projet quoi. Donc ça a été dur parce que je me suis rendu compte que toutes mes dates ont été annulées plusieurs fois, et donc ça, pour moi, ça a été des désillusions un peu. Il a fallu se réorganiser, repenser les choses, mais j'ai eu de la chance parce que par exemple Géraldine du Bureau de Lilith m'a vraiment bien accompagnée. On a décalé 2 fois, puis finalement en avril elle m'a dit il faut quand même le sortir, même si ta tournée est annulée. Donc je l'ai sorti. Et effectivement, ça a été une bonne chose, puisque j'ai des très bons échos, même nationalement, vu qu'il y a eu, il a été chroniqué par Télérama, Francophone, Hexagone, après Nos Enchanteurs, d'autres, plein de blogs, etc. Donc il y a quand même eu, même sans les concerts, il y a quand même eu un écho pour cet album qui est positif. Donc dans ce sens-là, je pense que j'ai eu de la chance. Et en plus, même si c'est difficile de le sortir en ce moment, toute cette période-là où on ne pouvait pas jouer, moi j'avais quelque chose en fait que j'étais en train de travailler, auquel j'étais en train de réfléchir, les clips, etc. Alors que sinon, ça pouvait vite être un petit peu déprimant, je pense, pour certaines personnes d'être peut-être un peu démunies. Donc je dirais que j'ai plutôt de la chance, et surtout que les concerts se recalent finalement. Donc la date à Paris devrait avoir lieu cet automne. Les choses se font avec beaucoup plus de temps. C'est très étiré, mais ça se fait. D'accord. Donc il est 14h presque 59 déjà. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Donc si nous voulons nous procurer votre album, comment pouvons-nous faire? Alors il y a le site de mon distributeur, donc qui est Inouï Distribution, sur lequel il y a mon album. Et sinon, en fait, vous pouvez vous procurer à peu près partout en le commandant, donc dans toutes les librairies indépendantes, et puis après dans les FNAC, Cultura, je crois que les centres culturels Leclerc, enfin tous les endroits où vous avez l'habitude d'acheter vos CD, en fait, vous pouvez le commander et le récupérer, donc à peu près partout, et là vous aurez toutes les cartes, et chaque carte est un petit objet en soi avec une chanson à télécharger dessus avec le code, et donc chaque carte peut s'offrir, peut être envoyée, c'est des cartes postales, donc vous pouvez l'envoyer en cadeau à vos amis, et en fait ils peuvent télécharger la chanson, et c'est une petite surprise comme ça, avec le visuel de la chanson en particulier. Ah oui, c'est une bonne chose, c'est original. Oui, j'avais vraiment envie de faire un objet... de faire un bel objet en fait pour cet album qui est un aboutissement de quelque chose vraiment, et je voulais que, comme je disais, comme c'est très visuel, que c'est un imaginaire assez foisonnant avec comme plusieurs couches les unes derrière les autres, plein de surprises dans mes chansons, j'avais envie que ce soit pareil pour l'objet, donc c'est une sorte de jeu avec ce puzzle et qui en même temps peut être constitué en mettant les cartes les unes à côté des autres, et peut-être en faisant un poster à la maison, ou alors au contraire en envoyant ces cartes partout, dispersées d'un bout à l'autre de la France ou d'ailleurs. C'était une envie que j'ai eue. D'accord. Si nous voulons suivre l'avancée de votre carrière, comment pouvons-nous faire? Alors, donc, il y a le site internet clairegimat.fr. Et sinon, il y a là-dessus, en fait, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Donc là, j'envoie des nouvelles assez tous les mois à peu près, plus ou moins selon les actualités, mais assez disons, c'est les infos les plus disons les plus proches. Ce sont des gens qui me suivent souvent vraiment, donc voilà. Et après, sinon, il y a tous les réseaux sociaux, enfin tous les réseaux sociaux, non, uniquement Facebook. Donc j'ai une page professionnelle au nom de Claire Gimat et Instagram Claire Gimat. Donc il y a ces deux moyens là aussi d'être au courant un peu au jour le jour. Et là bon, mais voilà, c'est le moyen aussi de voir un peu au quotidien. Je mets parfois des, voilà, des photos de répétition ou de ce que je fais, de pensées, de choses. Donc voilà. D'accord. Alors, je mettrai les liens, tous les liens en podcast de cette émission demain dans la journée pour que nos auditrices et auditeurs puissent vous retrouver facilement. Super. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter pour la suite ? De jouer beaucoup et peut-être de trouver un entourage, une production ou voilà, pour pouvoir travailler encore plus la musique et le côté artistique et moins tout ce qui est administratif, recherche de date, etc., qui pour l'instant m'occupe pas mal. D'accord. Donc nous avons un petit peu débordé, mais c'est pas grave. Donc c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Donc je vous remercie une nouvelle fois, Claire, d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. D'ailleurs, ne quittez pas, je vous récupère au téléphone juste après, hors antenne. Très bien. Cette émission sera rediffusée demain, mercredi, à 18h, avec le podcast de cette émission, posté, comme je le disais tout à l'heure, demain sur notre page Facebook dans la journée. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Guémozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. En attendant, je vous laisse en musique avec Guts et son titre Looking for the Perfect Roads. Alors, accent anglais, vous connaissez. Avant la rediffusion de l'édition de Fréquence Libre d'hier, dans laquelle je recevais par téléphone également, et ce pour la deuxième fois de l'année, Jean-Yves Dionne, auteur, apothicaire, formateur, coach santé, conférencier, professeur québécois, entre autres, de renommée mondiale, qui était là pour nous parler de son ouvrage « Bon stress, bas stress, briser le cercle infernal ». Quant à nous, nous nous retrouvons demain, mercredi à 14h, toujours en direct, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont, Morgane Perrault, qui sera là pour nous parler principalement de son entreprise Rouge Carmin. Donc merci de votre fidélité à Radio Guémozo. Et du coup, je vous dis à demain. Donc salut et à demain.